d'originalité sur le campus. C'est le 89. Jean-Philippe Charbonneau. Oui, Mathieu Plante. Est-ce que tu connais la phrase qui va sur l'intro des Paparazzi? Non. Est-ce que tu veux l'essayer? Ok, ouais. Vas-y. Tu vas dire. Donne-moi un premier mot. Je vais te faire signe, tu vas dire ce qui te vient en tête, puis on va voir si c'était ça l'intro. Je te dirai la réponse après l'intro, ok? Parfait. Attention, ça commence maintenant, ok? Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès, c'est fou! Ouais! Wow! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 8 au 14 septembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Salut JP, je vais te guider pendant ces 3 heures pour te faire comprendre qu'est-ce que l'animation des Palmarès, c'est fou parce que t'es un auditeur depuis longtemps. Là. Oui, c'est ça. Disons, en tant qu'employé, c'est fou, la radio t'a allumé puis tu l'écoutais. Là, ben oui, c'est ça. Mais je suis là. T'es là. Derrière le micro maintenant. Ben oui. Avec toi, Mathieu. Dorénavant, pour au moins la session en cours d'automne, tu vas co-animer avec moi. Toi qui as animé Assemblage requis avec moi le matin. Le matin, oui. Mais en tant que tel, toi et moi, ça fait depuis le mois de mai qu'on n'a pas animé ensemble. Exactement. On a animé un petit peu au début de l'été Assemblage requis. Oui. Puis finalement, non. On s'est perdu de vue, en oui. fait. Parce que t'es un gars très occupé en tant que directeur général. Il y avait le Festivois, c'était le Festival Urbain, le Grand Prix. Le FME, tout. Ou le FME, en effet, le show de la rentrée de l'UQTR qui était en collaboration avec pas mal toi, finalement. Oui, c'est ça, exactement. C'est fou, mais surtout toi. Donc, on va passer. Me revoici. Te revoici, te revoilà derrière le micro. Nos belles voix réunies. Enfin, virilité x2. Oui. En fait, x2, ça donne donc un total de 1,5. Si moi, c'est la demi, tu sais. Ah. Ouais, j'ai compris. x3 d'abord. Ouais, ouais. Bref, Palmarès, c'est fou. JP, c'est ton condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. C'est un top 20 francophone, c'est un top 20 anglophone. On va savoir d'ici la fin de l'émission si le numéro 1 francophone est toujours Chose sauvage avec l'épave trouée. OK. Fais-tu essayer de deviner du côté anglophone ce qui était le numéro 1 de la semaine passée? Je sais pas. Moi, je suis en train de prendre du thé avec un ami. Ah oui, c'est ça. Ben, je te dirais que c'était du côté anglophone, Candle Holder avec Monomyth. C'était ça le numéro 1 de la semaine passée. Ouais. OK, parfait. Je ferai ma joke tantôt. OK, parce que tu pensais que c'était d'autres choses qui étaient le numéro 1. Oui. Qui avait rapport avec j'ai douché. C'est ça. J'ai douché sur ma feuille. Et Colin, on a long à t'enseigner. JP est long à apprendre. J'ai louché sur ma feuille et puis cet hiver, je vais changer le L pour un M. Je vais moucher. Wow. Et ce soir, quand tu vas arriver chez vous, tu vas doucher aussi. Peut-être. Puis après ça, quand tu vas aller voir ton vendeur de drogue, il va dire « Est-ce que je peux te pusher? » Te pusher? Wow! En tout cas, on commence avec les nouvelles entrées. On va y aller avec un petit bloc de francophones plus tard. Bernard et Carl-Éric Hudon, commençons en 20e francophone. Voici Mister Valère featuring Karim Ouellet et l'amour est un bon. Émotions fortes. Le vent se lève, les courants se mêlent, le ciel s'emporte. Je le dis depuis toujours, je ne sais pas dire je t'aime. Dis-moi pourquoi mon amour, je retombe toujours en amour quand même. Quand même, on n'est-tu pas quand on s'aime. Oh, entrée. Et on vient d'entendre Sagar de Banary. Oh oui, avant c'était Carré Cudon avec Que Dieu bénisse les marathoniennes. Et on a débuté le bloc avec Mister Valère. Oui, avec feat Carrie Mouellette avec sa nouvelle entrée, L'amour est un monstre. C'est seulement les pieds de Carrie Mouellette qui ont chanté en fait. Oui. Le feat. Oui, exactement. Mais il chante comme un pied. Oui. Ben il avance. Il avance, ben c'est ça. Dans l'industrie, c'est à pas que tu. Il avance avec ses pieds. Un pas après l'autre, gauche-droit. Un peu comme toi, tantôt, t'avançais sur tes genoux en dessous de la table. Oui. Je pense que ça a surpris Alain Lefebvre, directeur de la programmation, qu'il y avait quelqu'un à genoux. Directement, dans les deux premières chansons. On s'est mis intime dès le départ, JP. Ben, c'est moi. Comme ça qu'on se rend à l'aise. Et voilà. Mais bon, t'as fait ce que t'avais à faire en dessous de la table. Oui. Je suis satisfait de ta performance. Et je suis de retour en haut. Voilà. Bref, on voulait envoyer un envoyé spécial en fait sur le terrain. C'est pour ça qu'on est allé directement sur le sol avec notre machine fusion en direct à distance. Exactement. Voilà. Puis on s'est rendu compte que ça servait à rien, fait que je suis revenu en haut. Non, c'est ça. Donc, on a fait un premier bloc de nouvelles entrées. Il y en a au moins trois autres qui s'en viennent. En fait, je pense que ça va être exactement trois autres. Là. Alors, on va rester du côté francophone parce que le franco est plus calme que l'anglophone cette fois-ci. On va donc entendre un bloc qui va contenir plus tard Hôtel Morphée et Caravane, mais on débute en position numéro 17 francophone. Oui, Mathieu, avec Eugène et le cheval, avec... Yopi, la chanson Invincible. Invincible, c'est bien ça. Invincible, tout de suite, sur le 81 FM. C'est fou! Oh, il retourne en dessous la table. Non. Un bon beat. Un bon beat pour du... C'est très sexy comme chanson. Hein? C'est, certains diraient qu'il... se transforme d'une forme opaque et menaçante. Collective s'installe en nous, une parano à nous rendre fous. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, ainsi. Tout ce que tu fais. Le rock'n'roll est mort. Je veux pour tourner ses bras d'école.

Hôtel Morphée et la pièce Hôtel, position numéro 15, nouvelle entrée du côté francophone. Et en 16e entrée, on avait la caravane, oui, avec la chanson Chien Noir. Et on a débuté avec Eugène et le Cheval et la pièce Invincible en 17e. En passant, Eugène, c'est Eugène Ionesco, le maître du théâtre absurde et de la pataphysique. Le cheval, symbole de liberté, de force. La fusion d'Eugène et du Cheval est un son original, des compositions audacieuses et des plantes carnivores, nous dit-il. Le groupe propose une musique qui se situe quelque part entre l'intensité des Flaming Lips, les arrangements nerveux de Wolf Parade et les bidouillages électroniques de Gorillaz. Intéressant. Savais-tu que pour ce qui est de la 16e entrée, Caravane, c'est, c'est la formation The Hunters, mais en version francophone? Arrête donc! Pour oui, monsieur! S'ils n'ont pas choisi les chasseurs, c'était trop simple hein, comme traduction, donc Caravane. Ben oui, mais tu vas en Caravane. Oui, et ils ont un beau logo, c'est super cute, leur imagerie noir et blanc rétro, j'aime ça. Et la barre de chocolat Caravane, ça par contre, je déteste. Ah, ben voilà, c'est juste dit. C'est pas bon. C'est dit. C'est pas bon, c'est pas bon! J'ai jamais mangé ça, moi, Mathieu. Ben, c'est pas bon. Fait que... Ben, j'ai rien manqué. Essaye la peau, ça. Donc, on va continuer avec un autre bloc de nouvelles entrées. Par contre, on a terminé le francophone. On a entendu 6 pièces jusqu'à maintenant. Il nous en reste 7. Donc, on a passé à la moitié environ de nos nouvelles entrées. Le bloc qu'on appellera C, c'est le bloc troisième bloc d'aujourd'hui. Donc, on va avoir plus tard Valerie Gore ainsi que The Stripes. Mais on débute en 20e anglo. Oui, avec The Pretty Reckless, avec la chanson Even News. Au palmarès, c'est fou. Oui, monsieur. Even News. C'est l'heure d'aller à l'école. Ha! You can hear him cry, oh Lord, heaven knows we belong way down below. Sing it. Oh Lord, heaven knows we belong way down below, way down below, way down below. Judy's in the front seat picking up trash, living on the dole, gotta make that cash. Won't be pretty, won't be sweet, she's just sitting there on her feet. Sing it. Entrée entrer. C'est notre jazzy. On vient d'entendre Valérie Gore avec la chanson Amsterdam. Oui, c'est une artiste canadienne, auteur, compositeur, interprète. Avant, on a entendu The Stripes, deuxième pièce de l'extrait de l'album Snapshot, c'était Mystery Man. On débutait en 20e place anglophone avec The Pretty Reckless avec Heaven Knows. Eux aussi, c'est une deuxième entrée. Leur album s'appelait Going to Hell et leur premier extrait s'appelait aussi Going to Hell. Ben voilà. On est en aux trois quarts de nos nouvelles entrées. Colin, on parle pas souvent. On y va lentement pour ta première émission, Jean-Philippe. Ben c'est correct. Ça me permet de me familiariser avec le dessous de la table et mon entrejambe. Exactement. Non, avec la formule, j'imagine. Oui, oui, la formule de... C'est ça. C'est ça. Surtout que là, on commence l'émission avec une formule particulière. C'est pas ce qu'on fait d'habitude. On fait juste le franco et après ça, juste l'anglo. Déjà, pour te mêler dès le départ. Mais ça va, ça va. J'ai pas noté une hausse de pression. Donc, ça va bien. T'as pas les instruments pour. Fait que c'est, non, c'est pour ça. Exactement. Si on regardait avec les instruments, là, on verrait que t'es ben trop sur le bord de péter la coche. Oh, frette. Il nous reste donc, je regarde ça, quatre nouvelles entrées. J'aimerais bien les entendre dos à dos, mais on le fera pas. On va y aller face à face. Puis, ouais, c'est ça. On va commencer avec un bloc de deux. Je pense que ça va être plus simple pour nous. On va pouvoir prendre une petite pause, respirer un peu. Donc, du côté de la 16e place, plus tard, ce sera P.S. I Love You avec In My Mind At Least. Mais on va débuter en 17e place. Oui, Mathieu, avec The New Pornographers, avec la chanson Brill Brizzers. Deux fois, je l'entends. On l'a fait jouer à Assemblage Rocky plutôt cette semaine. Elle est vraiment très, très bonne. Alors, on va écouter ça. Au palmarès, c'est fou! C'est là! On vient d'entendre PS I Love You avec la chanson In My Mind, I List en 16e place. Et avant ça, en 17e, où c'était New Pornographers et Brill Bruisers, une pièce qu'on a tout le temps de la difficulté à prononcer. Brill Bruisers. C'est trop anglophone. C'est comme un boss dans Mario. Oui. Oui, c'est encore un furteur web. Oui, aussi, c'est genre, c'est les deux. Un browser. Ben oui. Tu sais, puis Brill, ben c'est quand même. C'est comme une drill, mais avec un B. C'est ça, ouais. Y a pas, à part Dill, tu sais, puis Drill, il n'y a pas grand d'autres mots, il me semble. Qui pourrait faire ça? Trill. Trill, oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des fautes d'orthographe, c'est pas grave. L'important, c'est la phonétique. Exactement. Vous êtes au Palmarès, c'est fou. On est dans la première heure comme ça à visiter les nouvelles entrées. Il y en a 13 cette semaine. Mm-hmm. Ça veut dire que tantôt, on va devoir dire au revoir à 13 pièces. Ça s'en vient dans une dizaine de minutes. Avant ça, par contre, il nous reste un dernier petit bloc de 2 pièces du côté anglophone. En 14e place plus tard, Bad Sons avec Salt. Mais on va commencer tout de suite avec la chanson Enjoy de Mozart's Sisters. Oui, on va. Pas de S, Sister. Ouais, parce que je sais pas combien il y avait de sœurs. Ben, une, je pense. Puis elle chante des petites chansons? Ben, je pense que oui. On dirait. On elle aimait ça. Elle enjoyait le moment. Enjoy. The little creepy put in me that I imply. When the pressure gets too deep. That some man was out for my blood. Could I pay him what it's worth? With the life I'm spending, the mind. 1, 2, 3, don't fuck with me. I'm sick and tired of thinking. You stop my fight, it seems to fail. Lose myself, but I don't care. Go deliver me. Gentle boy, I love the boy. I haven't seen the stars in weeks. Seen the sun with a show me. I'm always falling in the middle of every mystery. Touching fire, holding hands with the good in the bad simultaneously. And if a love that's free and simple must eat baby. Then my drive's all I have late at night, pushing me to eternity. Enjoy. Just hear me out, don't ask why, but I'm taking this road, it's C'était Bad Sons et la pièce Salt, position numéro 14 du côté anglophone, c'est une nouvelle entrée. Oui, mais juste avant, on a écouté la chanson Enjoy et de la formation Mozart Sisters. C'était fait inspiré par David Ferron qui dit tout le temps Mais avant. À l'arrière. Mais avant. On salue David Ferron, on va reparler de lui plus tard dans le bloc sur la musique qui se passe ailleurs dans les palmarès. Oui. Avancez, il nous reste quelques temps dans cette première heure, l'heure New Shit des palmarès c'est fou. On va sauter par-dessus quelques affaires qui sont un petit peu plus vieilles. Donc, du côté. En fait, je n'ai pas encore décidé lesquelles qu'on va sauter. Ah, OK. OK, on va faire jouer seulement les plus jeunes. Donc, du côté anglophone, on va sauter par-dessus la 13e, c'est Hot Tonight de Tokyo Police Club et Jack White avec Lazaretto pour entendre la 12e, qui est Sleeper Agent avec Waves. Du côté francophone, les plus vieilles sont en 14e, Nicolet avec Centre. En 13e, Philippe Braque avec T'aurais pas pu nous prendre à deux. Et Piscine de Fanny Bloom en 11e place. On va écouter la 12e, Franco. Bon, on va écouter les passagers. Oui. Acheter ta peau. Ben là, hein? Ça vaut combien, ça? Est-ce que tu peux acheter ta peau et ta peau plus qu'un plus grand écran? Oui, c'est ça. Il est plus slack. C'est slack. La peau slack. Bon, oui. Ça, ouais. Vous êtes au palmarès, c'est fou. L'émission la plus slack... De l'histoire de l'humanité. Non. OK. L'histoire. Lousse ou slack, Mathieu? Lousse ou slack, ouais. Parce que, ouais, bonne question. Partir un débat sur Facebook? Ça finira jamais. Ah, Android versus Apple, là! Ah, non. S'ouvrir des cailles de velours. Puisque la peau nue ne suffit plus. Ouvrir nos chairs.

Et on a continué avec Bad Not Good, Can Leave the Night. 6 semaines. Beef Donut a mangé sa dernière note. Fall Like This avec 7 semaines. On essaye de faire des liens. Mais oui, c'est ça, on essaye, comme ça brûle pour point. Et on a continué avec Owen Palette, Song for 5 and 6, 5 semaines. The Pretty Reckless, c'est le record de la semaine. Going to Hell qui a duré 9 semaines. Oui, et un autre record avec The Stripes, avec You Can Judge a Book by the Cover. D'ailleurs, The Stripes, The Pretty Reckless, ainsi que s'il y en a d'autres, je crois, Carl et Récudon, Caravane, sont tous de retour dans les palmarès cette semaine. C'est 13 pièces auxquelles on a dit au revoir. Et d'ailleurs, c'était les dernière pièce de l'été. On a pas mal débarrassé le plancher d'à peu près tout ce qu'il y avait dans la publicité des palmarès cet été. Donc, voilà, c'est fait. Que You Can't Judge a Book by the Cover était dans le montage des palmarès. Donc, ça fait le tour pour ça. Et ça fait le tour pour la portion New Shit des palmarès. On l'a fait super longue, cette portion-là. 1h10 environ, mais on va se terminer ça ici pour l'instant. On embarque dans la portion top 10 dans quelques instants. C'est la deuxième heure de l'émission. On va aussi avoir les meilleurs moments d'assemblage requis dans ce qu'on appelle un instant classique. Excellent, Mathieu. J'ai hâte d'entendre ça. Vu que je sais pas, mais t'es tellement un gars occupé, tu dois pas avoir écouté Assemblage Requis. Ben, non, pas cette semaine. Pas cette semaine. Je me confie. On s'en reparle tantôt dans la deuxième heure des palmarès. Il faut rester là. Fou de choses geek. Bonjour, c'est la portion au top 10, c'est la deuxième heure des palmarès Cifou pour la semaine du 8 au 14 septembre 2014. Il est Jean-Philippe Charlot. Et il est Mathieu Plante. Oui, c'est la deuxième heure de l'émission. Top 10, c'est le nom de cette heure-là. Pourquoi? Parce qu'on commence par les dixièmes positions. C'est ça l'idée! Aussi, on va faire après le prochain bloc, je pense qu'on va faire un instant classique. Parfait. Pour te remettre un petit peu au courant de ce qui se passe à Assemblage Requis depuis que tu as quitté le génial, beau bateau. Génial d'avoir quitté l'émission. Non, génial de pouvoir encore avoir un petit lien. Oh, un minuscule lien, mais il est là quand même. Il est là. Alors, on va commencer donc avec les dixièmes positions du côté anglophone. Plus tard, ce sera Pink Mountain Tops avec Ambulance City qui est stable. Oui, Mathieu, en effet. Je suis comme complètement déstabilisé. C'est bien vrai, c'est un fait. Oui, puis là, je pensais qu'on était dans le top 5. C'est pour ça! Non, top 10, là. Top 5, c'est la troisième heure. Ça fait New Shit, après ça, top 10, après ça, top 5. Ben oui, c'est ça. Ouais. Donc, ça va être Cousins avec Order Ocean. C'est ça? Non, c'est pas ça. Du côté francophone, Ludovic Allary contre Courant. Ah, OK. Moi, c'est ça que je fais. C'est ça. OK. Top 10. Des blocs 1-1. 1-1. Je pensais que c'était 2-2. Non, c'est ça. Non, juste 1-1. Ouais. Écoute, j'apprends. Ouais. Ben, tu sais, on a concentré le nouveau stock dans la première heure pour s'en débarrasser. Puis là, on peut parler, on peut jaser. Si on a des affaires à dire, ça va être là que ça va se passer. T'sais. Parfait. Ça va être... Mais donc, Ludovic Allary commence maintenant. Là, tout de suite. Chante-nous une petite chanson sexy. Oh yeah. Oh, on dit ça à toutes les femmes dans la place. Mathieu, il n'y en a pas. On est deux dans le studio. C'est vrai, c'est un manque. Hein. Prends les yeux d'un visage à ton valeur. Ton tête première. Regarde vers le bord pour retrouver tes forces. Tu brises le silence par ton absence. Ensemble.

C'est une féline. C'est, moi, j'ai, fait un autre, j'ai pas fait une autre sorte de bruit de chat. Floc. Ah, ça, c'est vulgaire. En fait, celle-là était vraiment vulgaire. Oui, c'était vulgaire. D'habitude, on ne dit pas, mais là, c'était approprié. Fait. Oui, puis on l'a dit chacun une fois. Chacun une fois. C'est tout pour l'année. Je te dis au revoir. c'est extraordinaire. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. 9. Entendre les positions numéro 9 du côté anglophone, c'était Cousins et Other Ocean qui descendent d'une place. Et oui, et de 6 places, on a entendu La Féline avec Adieu l'enfance. On était en train, en ronde, de s'écouter des affaires quétaines, pas parce qu'on veut vraiment, tu sais, on est tellement quétaines nous-mêmes qu'on écoute des affaires quétaines. Non, c'est parce qu'à un moment donné, notre musique est tellement indie bonne. Tu sais qu'il faut quelque chose pour un petit peu rééquilibrer les choses. Oui, ça, des fois, ça nous remet... Ça nous remet les choses en face. Oui, je voulais dire le droit chemin, mais c'est tout sauf ça que je voulais dire. C'est vraiment pas le droit chemin, en fait. Non, c'est le droit sinueux. Ouais, ou sinon, c'est le chemin du centre le plus populiste et mainstream possible. Ouais, voilà. Tu vois, la caténerie, c'est comme ça. Bref, on s'en fout. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça, je sais pas, mais on revient à nos 8e place. Voilà. C'est fait, c'est dit. Les choses sont... on est honnête, on est transparent. On était quétaine en rond un peu. Donc, du côté des 8e places, du côté anglophone, en fait, c'est Bri Webb qui descend de 1 avec AM Blues. Et oui, il descend de 2 places. Donc, à la 8e place, Amour Blitz, ma plus belle psychose. Où tu viens? Amour Blitz. Au palmarès, c'est fou! Pendant cette chanson-là, on se fera un petit blitz d'amour, Mathieu. Oh, come on. J'en reviens pas. Paint Don't you name some strangers? When I call, they are blue. You always gotta hang up I'll always press my luck But maybe one day, honey You just won't hang up game you choose is a game I was born to lose. C'était Bri Webb et AM Blues, position numéro 8 anglophone, qui descendent une place. Et oui, qui descendent de deux places, toujours position 8e, mais Amor Blitz, ma plus belle psychose, Mathieu. Oh, ah, ça me fait plaisir d'entendre ça, ta plus belle psychose. Tu gardes ta meilleure psychose pour moi. Et oui. C'est ça, on est de même, on garde notre meilleur stock pour le mercredi, entre 14h et 17h. Notez la nouvelle case horaire pour ceux qui nous suivaient les jeudis. On est dorénavant le mercredi, 14 à 17h. On a aussi monté d'une heure par le fait même. Tant qu'à changer du jour par la gauche, monte notre On s'est tapoté par le dessous, puis on a monté d'une heure. Chatouillé en dessous des ça donne envie de monter un peu. Oh, c'est louche tout ça. Position numéro c'est 7e. Voilà qu'on est rendu. Du côté anglophone, c'est Language Arts avec Wonderkind qui monte de deux places. Et oui, mais qui reste stable du côté francophone avec Alexandre Desilets et Crime Parfait. C'est quoi le Crime Parfait? Je sais pas. Je vais atelier quelqu'un en dessous de la poche parce que c'est pas. Hein? Comment, j'ai dit ça? Non, je pense pas. Je pense pas, j'ai dit ça. En fait, ma blague était super bonne. J'arrive puis je finis exactement sur la bonne note de la chanson. Mais puis après ça, je pars à la mauvaise chanson. Ben c'est, oui, c'est ça. C'est puis là, je suis obligé de patiner en disant que ta blague de chatouilly m'a refait te remonter tout ça. Hein? L'affaire est dans le sac. Oh! L'affaire est dans le sac! Pocketville. C'est une poche, une pocket. Oui. Ouais. Un jour, la chanson va commencer, puis le malaise va arrêter. T'sais. Mais si tu veux, il me reste peut-être un peu de café, Mathieu. OK, oui, parce que ça fait longtemps. Comment ça dit bonjour? Oui, attends un peu. Ah. Il est frette, le café. Le CD marche pas! Parce que j'ai laissé le post-it dessus! J'ai laissé le post-it sur le CD! C'est la chose la plus drôle que j'ai vue de ma vie! Mais pour de vrai, on est sûrement dans le top 1 de choses inédites, là. J'aurais dû prendre une vidéo. Oh wow! Oh wow! C'est ce qui arrive. C'est ça. Il veut pas fermer, Mathieu. Non, ben non. Oh. Puis là, en plus, il fait du bruit bizarre. Je l'entends. Il floque? Ouais, vraiment. Est-ce que vous entendez ça? Moi, je pense que c'est mon pacemaker. Ce malaise était présenté par Assemblage Requis. Mais au palmarès, c'est fou. Parce qu'on est bon pour les malaises d'Assemblage Requis. Entre la cuisine et la chambre 7. C'était Language Arts et Wonderkind en position numéro 7. Ça monte de deux places en anglophone. Et en très stable, hein, 7e position. Et également, Alexandre Desilets, Crime Parfait. C'est la fin de la portion top 10 des Palmarès C'est Fou. On revient dans quelques instants avec la troisième heure qu'on appelle la portion top 5. On va savoir d'ici la fin si notre numéro 1 anglophone est toujours Monomyth et Candle Holder. Et on va savoir également si le numéro 1 francophone est Chose Sauvage avec l'épave trouée. Oh, est-ce que ça a coulé? Est-ce que ça continue de flatter? On sait pas. On va voir ça tantôt. Les Palmarès C'est Fou de retour dans deux minutes. Rivière, c'est le 89.1. again. C'est la troisième heure des palmarès. C'est vous pour la semaine du 8 au 14 septembre 2014. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Il est Mathieu Plante, exactement. Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est la première fois qu'on anime ensemble. On l'a dit quelques fois depuis le début de l'émission, mais tu vas co-animer les palmarès. C'est fou avec moi, dorénavant, pour la session complète sur l'année scolaire. Donc, on va avoir du plaisir. Oui, de bonne musique. Oui, on est rendu dans la portion top 5 de l'émission. Des bonnes anecdotes. Des bonnes anecdotes. À date, est-ce qu'on a dit une anecdote? Est-ce que t'en as une anecdote comme ça? Si tu me présentes le sujet, il faut que t'aies une anecdote, non? Comme ça? Ouais. Non. Non. Tu sais, plutôt dans l'émission, quand j'étais à genoux à terre, en dessous de la table, ça avait l'air louche un peu. Ouais. En train d'essayer de plugger un clavier, Mathieu. Un clavier, un clavier non USB. Non, et non, non sans fil, finalement. Telle fut ma surprise de croire que les USB étaient rendus ronds. C'est parce que les, la prise c'est clavier. PS2, ouais, c'est ouais. Puis, faut que tu redémarres un ordinateur, hein. Hey, c'est-tu arriéré, ces histoires-là, ça? On est loin de l'iPhone 5? 6? 6 plus? 7? 6, 6 méga ultra plus? On enseigne une place anglophone plus tard, Orange O'Clock avec Belly Button, mais pour l'instant, Mordicus avec Home Mama. Ça, c'est fou! Dans nos oreilles! Than we control and her mind, desperation seizing her. The suitcase full and too heavy to carry. Painkillers don't kill pain anymore. And I say no. No, you won't go. Yeah, I say no. C'est Orange Cook et Belly Button qui montent de la 18e place. C'est rendu en 5e. C'était une bonne entrée la semaine passée. Et en francophone, c'était Mordicus au Maman qui est passé de la 2e à la 5e place. Oh, maman, maman, maman, maman, maman, maman. Non, hein. Ça marche pas bien. Manam, manam. Papa, da, da, da. Manam, manam. Mordicus. Qu'est-ce qu'on allait faire sinon? Bon, on est déjà rendu en 4e place. Le temps file. On se parle pas bien, ben. On n'a pas grand-chose à dire aujourd'hui, mais c'est notre première émission ensemble. Jusqu'à maintenant, ça va bien, ça roule. Oui, oui. On a une belle date. Oui, pas pire. Tu me donnerais une deuxième chance. Ah, ben oui, ça roule. Si c'était, tu sais, les dating, speed dating, tu sais, avec une petite clochette, tout ça, puis on pourrait essayer des co-animateurs, tout ça, tu sais, je te ferais gagner. T'sais. Ouais! Parce que t'es mon boss. Mais je te ferais gagner. C'est pas vrai, non, parce que t'es le meilleur candidat pour le poste. Qui n'est pas ouvert à la communauté. Non, et essayez pas d'y enlever, tu sais. Non, c'est ça. Là. Je vais rester là. C'est ça. Vous allez voir, je suis dur à tasser. Même si je suis sur une chaise à roulette. À roulette! Oui, quand même assez confortable, mais pas si pire. C'est correct. Pas vraiment, mais bon. Non, c'est ça. Vous pouvez venir le faire rouler. En fait, si vous faites tourner de tous les sens, peut-être que ça va rajouter encore plus d'émotions à l'émission. Dans le studio, oui. Puis on va pouvoir faire des wow! Ça se peut que je me trompe de micro après ça parce que j'ai été tourdi. Pas grave. Non. Savais-tu que tu utilises des micros magiques? Ah non. Mais c'est mon micro. Ouais, c'est celui que j'utilise quand on anime ensemble, Mathieu. Mais comment ça qu'il est en mode pas magique en ce moment? Veux-tu te le mettre en mode magique? Oui, vas-y donc. C'est bon. Ah! Je suis chaud. Excuse-moi. Je suis maintenant ici. On est rendu au position numéro 4 du côté anglophone. Ce sera The Devin Cuddy Band et 44 qui monte de la 20e. C'est une nouvelle entrée la semaine passée. Mm-hmm. Et du côté francophone, c'est Radio Radio qui monte de 4 positions, donc de la 8e à la 4e avec la chanson Holiday. On monte le son de la radio. Je vais vous partir le lecteur CD magique. Les gens savent pas que ça existe, le CD magique. Attention, qu'est-ce que ça va donner? Mais trop fort, ça va! Moins fort. Ok, merci. Calme-toi. Des fois, il y a des relents. Wow! Non. On va défoncer des haut-parleurs avec ça, là. Vous êtes au palmarès, c'est fou, juste en passant. Ah oui. Eeny, meeny, miny, moe. J'ai sur ma eeny, meeny, miny, moe. Vacation, hopping on my ride, hopping down mon pédalo. Eeny, meeny, miny, moe. J'ai sur ma eeny, meeny, miny, moe. Vacation, eeny, meeny, miny, moe. Il fait beau quand ça passe point trop. J'ai sur ma holiday. C'est confirmé, j'suis sur ma holiday. C'est bon, mon freaky dicky, bonne chanson. J'ferme les yeux de l'avant. C'est faux, pis c'est bon pour le sang. Travaille trop fort, tu peux prendre des vacances. Mais plus qu'une semaine, ça vaut la peine. Voyage, voir les baleines, tout proche de la Seine. Là, tu peux s'aider, ou tu peux sceller. L'autre bout du monde, c'est le temps pour toi-même. T'avais travaillé dur pour ta payday. Maintenant, c'est le temps pour les holidays. Sois coque-toi sur ta chaise à l'aise, les pieds dans le sable, c'est easy, oui, that lazy, c'est une merveille. 1, 2, 3, on se laisse aller. Sauf prends une dip sur la sunset strip. Les vagues qui me chuchotent l'oreille comme le soleil qui me réveille. Après la magie non-stop qu'on a pris la veille. Double dip, dip, belle lemonade. C'est la best, best, yes, yes. Sous la shade, shade, shade. Sous la shade, shade, shade. Sous la shade. Je suis sur ma holiday. c'est des vacances de même. Sauf pour ta flat, pour ta chambre, credit card ou debit card. Faut que tu prennes des vacances, de tes vacances avec du zone ou avec des personnes. Va sur ta trip, plein ta trip, man. C'est summer holiday weekend. Party dans ton days end. Ça c'est pas mal, pas mal. En vrai, dans ta soirée, j'ai dit c'est pour la weekend days end. Ça c'est pas mal, en vrai, si c'est en vrai pour le reste de la soirée. Ouais, ça finit bien, j'dis prêt là. Quand ça finit bien, c'est avec toi. Rien de la main, on s'amènera un peu plus loin parce que t'aimes ça. Où ça file bien, je dis prête là. Quand ça file bien, c'est avec toi. Mets de la main, on s'amènera un peu plus loin parce que t'aimes ça. La position numéro 4 anglophone, c'est 44 qui monte de 16 places. Et qui a monté de 4 places Radio-Radio avec Holiday. Holiday. Ça me rappelle Holiday des vacances. Oui, le Holiday Inn. C'est le défi. Ouais, il va falloir que je me pratique pour les références comme ça parce qu'à l'impro, les lundis soirs à 20h que j'anime. Oui, maintenant, d'une façon, d'une main de maître. De main de maître, oui, c'est juste une fois, je suis pas encore rendu maître. Là. Mais il faut tout le temps trouver des références à des affaires. Mettons, dans un sketch, il y a eu telle référence, là, tu dois faire une référence à ça. Par exemple, cette semaine, c'était il y avait l'histoire d'une fille du Maine. Fait que là, Alexandra Carignan m'a demandé ça ressemble à quoi une fille du Maine? Ça ressemble à une palourde. Parce que je suis de palourde du Maine. T'sais. Moi, je t'aurais dit que je les aime de Maine. Je les aime de Maine. Voilà, et voilà. Fait que c'est ça qu'il faut développer. On pourrait essayer, au fur et à mesure que les pièces jouent, de trouver des petits de liens. De se développer. Trouver ça, développer une certaine complicité. De main et main façon. Main et main, c'est drôle! C'est drôle. Ça y est, je suis starté. Je t'envoie, ma main! Dans les airs, comme salut de bye-bye. Félicitations, je te donne un coup de main dans le nadre. Oui! Donc, à développer. Oui, clairement, tout à développer. Position numéro 3 du côté anglophone, c'est Monomyth, et non pas Manomyth, avec Candle Holder. C'est l'ancien numéro 1. Là, ah, donc on sait que c'est plus la même. Ben non, c'est plus la même. Là, ouais, faut que je décroche. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Et en francophone, c'est Rouge Pompier avec Vert de Terre qui monte fulgureusement de la 20e position. Fulgureusement. Bon déjeuner, tout le monde. Arrêtez de me réveiller à 16h du matin. C'est c'est un bon gag, puis là on a comme tout manqué le début de la chanson à cause du gag, faut qu'on va la repartir au début. Oui, tu veux-tu que je fasse le gag, puis tu parles la toune? Fais le gag. Ben là, arrêtez donc de me réveiller à 16h du matin. Dans un nid de poule, j'suis comme un ver de terre. Thank you. Lancé numéro 1 anglophone, c'était Monomyth et Candle Holder en 3e place anglo. Et qui passe de la 20e place à la 3e, Rouge Pompier avec Vert de Terre. Vous allez voir le nouveau vidéoclip. Nouveau vidéoclip où quelqu'un se fait raser, c'est bien ça? Épilé. Épilé? Oui. C'est pas la même chose. Non, non, c'est non. Avec des bandes de... De cire. C'est ça. Disons que, tu sais, cire, comme, c'est cireux, c'est comme un ver de terre qui est gluant. Là, ça, c'est, exactement. C'est comme un lien qu'on pourrait faire, mettons, ça devrait trouver un lien entre des affaires. Là, ben oui, puis après te faire épiler, ben t'es rouge. Ouais, donc rouge. Rouge pompier, oui, c'est voilà. Ça. OK, oui, ça, j'avoue. Et de la cire, étrangement, ça aurait été un meilleur lien. OK, on annule ça, on recommence. Parfait. La chanson finie, mettons. C'est oui, c'était bon. Oui, c'est vraiment très, très bon. Tu sais, Candle Holder de Monomyth, tu sais, dans le vidéoclip de Ver de terre de Rouge pompier, ils se font épiler à la cire. Cire de chandelle. Candle Holder. C'est un porte-chandelle. Wow. C'est un meilleur lien. Oui, c'est un très bon lien. Une fois que tu y penses, ça aurait du sens. On est rendu en deuxième place du côté anglophone, c'est Debbie Tebbs avec Mister Valère. Les deux étaient au show de la rentrée de l'AGEQTR, hashtag rentrée QTR, la semaine passée. Oui. 3 septembre. Oui. 03 septembre. 03, oui. 03 septembre. C'est comme ça, là? Les gens ne peuvent pas rajouter un 1 puis mélanger tout le monde. Ben oui, parce que c'est commun sur les posters que les gens rajoutent des 1 devant les dates juste pour faire chier. C'est sûr, tout le monde fait ça. Ouais, ouais. Exactement. Sauf des moustaches. C'est sûr. Parce qu'un 1, c'est quoi? C'est pas une moustache aplatie. Hein? Exactement, c'est ça, je me dis. Comme un hexagone, c'est quoi? C'est pas un cube aplati. Et un 2, c'est les favoris. Oui, c'est oui, en effet. ou un poil qui pousse croche. Croche. Un poil de croche, comme on l'appelle. Oui. C'est ça qu'on appelle. donc, Debbie Tebbs featuring Mister Valère avec Hop, ça monte de la 17e place. Et qui monte de la 11e place à la 2e. Propofol, oui, avec Commando. Au pas là, c'est fou! 81 FM! Deux. Transaction. Beatles featuring Mr. Valère et la pièce Up, ça monte de 17 places en position numéro 2 anglophone. Et oui, en francophone, c'est Propofol avec Commando. Propofol? Mais on dirait que je déplace le F, tu sais, des fois. Ouais, c'est ça. Propofol. Ouais. C'est parti de la 11e place. Mm-hmm. Pour venir à la 2e. Hey! Bravo. Allez, il reste seulement les numéros 1, mais avant de passer au numéro 1, des fois, on aime ça aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Oui. Dans les palmarès. Partons ça. Attention. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. Ça, c'était 4 fois finalement, on t'a pas sûr. 4 fois, ok. C'était 4 fois. On va la refaire à la fin du bloc. Parfait. Vraiment s'habituer, ok? C'est la première fois qu'on l'a fait ensemble, cette chanson-là, j'étais pas sûr. Ailleurs dans les palmarès, Jean-Philippe, pour toi et pour ceux qui savent peut-être pas, c'est quoi ailleurs dans les palmarès? C'est l'endroit où on regarde ce qui se passe, je dirais, ailleurs dans les palmarès. Ah, là, je comprends, Mathieu. D'où le lien. les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement le top 20 francophone et le top 20 anglophone. C'est aussi le top 30 des albums, le top 30 des disques canadiens, le top 10 loud, le top 5 des musiques du monde. On n'a pas super gros parlé avant le bloc. Je vais faire les nouvelles entrées du top 30 des albums. Tu feras le top 3 de ce même top des albums. C'est bon? D'accord. Donc, nouvelles entrées, il y en a plein. Je te les épargne. Je les dis moi à la place. Ça va être plus simple. T-Nile avec l'album T-Girl and Spark en 30e place. 29e, c'est Return for Return. En 17e, Valerie Gore avec Idols in the Dark Heart. En 16e, The New Pornographers et Brill Bruisers. En 15e, P.S. I Love You avec For Those Who Stay. En 14e, Mozart Sister avec Being. Et finalement, en 13e, c'est Bad Sons avec Language and Perspective. Toutes ces 5 dernières que je viens de dire là sont aussi dans le top 20 anglophone, mais pas les positions 29 et 30. Voilà. Voilà. Top 3. Dans le top 3, on parlait bien de top 30 albums. Oui. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Donc, on a Kitchen Knife avec The Devin Cutie Band en 3e position. En 2e position, on a Saturn. Oh, là, il manque. c'est le problème d'espacement. Oui, d'espacement, en effet. Donc, Saturn. Saturnalia Regalia. Ok, merci Mathieu, parce que là, je savais pas où faire mes espaces. C'est plaisir. Avec Monomyth. Et en première position, A Real Fine Mess, c'est de Harpenis and the Hacks Murder. Ça en fait des mots, ça. Hein? Quand même. Dans le top 3 des disques canadiens, c'est relativement similaire. En fait, c'est la même chose que le top 30 des albums. Donc en 3e, Devin Cuddy Band. En 2e, Monomyth. Et en 1e, Harpenis and the Hacks Murder. Dans le top 10 live, il n'y a pas de nouvelles entrées. Donc en position numéro 3, c'est Ace Frehley avec Space Invader. En 2e place, c'est l'album de Quantum Enigma par Epica. Et finalement, en 1e place, c'est stable. C'est Pale Communion par Opeth. Allons-y avec le top 5 des musiques du monde. Fais-nous, s'il te plaît, le top 3. Et en passant, ce sont des pièces et non des albums pour le top 5 des musiques du monde. Donc, top 3. Oui, donc on a Révolution de Simrit. Mm-hmm. On a Give Me Mike Bunty Bunty. J'aime dire ça comme ça. De Bombay Royal. Et en première place, c'est Salt Clap de Quantic. Il y a une seule nouvelle entrée, c'est celle qu'on va entendre dans le bloc, donc côté musical. C'est la nouvelle entrée de l'artiste Zebda. Voici les Shibani. Et on va écouter une version doc clip, pardon. Donc c'est un mini documentaire et la pièce est dans le milieu. Je vais essayer de vous décrire un petit peu ce qui se passe dans le docu clip pour commencer. Le vent se lève. Ouh. Le mot Shibani indique un homme âgé, un homme qu'on doit respecter. On voit un bateau. Un homme sage. Aujourd'hui, Shibani évoque plutôt ces vieux travailleurs immigrants. Ensuite, on avance dans une demeure où on voit quelqu'un poser des questions à quelqu'un d'autre après des cadres qui sont montés. 50 mois de février, 53. C'est marqué deuxièmement. Attends, tu me permets un peu, je vais te montrer. Hein? Attends, excuse-moi. Je crois que je l'ai ici. Moi, je suis venu en France le 10 avril 1971. J'ai commencé à travailler le 21 avril 1971. Je me rappelle, c'était samedi. Moi, quand je suis venu en France, je n'ai pas pensé que je travaillais jusqu'à la retraite. Je suis venu pour travailler, je mets un peu de sous à côté et je rentre. Mais quand je suis arrivé là, j'arrive jamais, je mets de sous à côté. Je suis pas neuf. Je mange pas, je dors pas. Je pense tout le temps. Mais tu penses à quoi? Je pense à ma vie. Comment qu'elle était avant, comment je suis maintenant. Fond de l'assiette est si petit qu'on leur dit pas, tu leur dis pas bon appétit. C'est une soupe à la grimace, comme des larmes qu'ils ramassent. C'est une soupe à la grimace, comme des larmes qu'ils ramassent, qu'ils boivent et qu'ils gardent pour eux, vu que tout est dit au fond d'eux. Une cuillère, un tabouret, un rideau, rien de coloré. C'est qu'on fait pas dans la couleur quand t'as vécu dans la douleur. Ce sont les vieux, nos anciens. Ce sont les deux réunis. Ce qui nous laisse démunis le soir quand on se réunit, c'est qu'on a oublié la compagnie des Shibani. Ils ont des souvenirs si flous qu'ils les accrochent avec des clous. Et quand il pleut à verse, toutes les gouttes les traversent. Et quand il pleut à verse, toutes les gouttes les traversent. Ils sont dans les livres d'histoire comme nous dans une passoire. Comme l'oiseau perdu au gré du vent qui veut pas de regret. Ils vont et viennent à la merci d'un casse-toi ou de merci. Ils vivent quand tout est fini et meurent sans cérémonie. Ce sont les vieux, nos anciens. Ce sont les deux réunis. Nous laisse démunis le soir quand on se réveille. Si qu'on a oublié la compagnie de Shibani. Shibani. Shibani. Je suis papy. Et malheureusement, ouais, on s'appelle, ça fait 10 ans que je ne suis pas retourné. On s'appelle, oui, surtout les filles. Ils ont cet amour pour leur papa, hein. C'était Zebda avec les Shibani. C'est le doc clip qu'on écoutait. Donc le reste du documentaire /clip est disponible sur YouTube. Cherchez Zebda les Shibani. Et ceux qui veulent une explication de ce qu'est un Shibani, vas-y Mathieu, j'écoute. David Ferron nous envoie ça à distance. Immigré d'origine africaine ayant travaillé en France et retraité. Au début de la vidéo, ce sont des Shibani qui expliquent leurs conditions. C'est pour ça que tout le long du vidéoclip, pour ceux qui vont aller le regarder, les gens ont l'air un petit peu déprimés. Ok, je trouve. Ils ont l'air de pas vouloir être vraiment présent. Je sais pas si c'est voulu. Mais bon, donc la chanson s'appelle Les Chibani. C'est par Zebda. Voilà. Pour ceux qui aiment la musique du monde et qui aiment le top 5 musique du monde, dont cette pièce est tirée, écoutez l'émission Palmarès du monde, les lundis soirs entre 18h et 19h avec David Ferron. Oui, monsieur. On le salue. Salut, David. Hello! CIF.ca pour la programmation complète pour savoir quand ça passe en reprise. Je pense que c'est le moment, vu qu'on vient de faire Ailleurs dans les palmarès, de repratiquer notre chanson d'ouverture. Ok, vas-y Mathieu, je suis prêt. Donc, ce serait Ailleurs dans les palmarès et go! Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. C'était ailleurs. Dans les... C'était ailleurs. That was somewhere else, comme on dit. Dans le jargon. Dans le jargon anglophone du palmarès ou des C'est fou 89.1 FM's Charts, comme on l'écrit. Exactement. Sur le palmarès. On est rendu aux positions numéro 1 déjà. Il nous reste une vingtaine de minutes dans l'émission et donc on va avoir le temps de revenir un petit peu en arrière. Mais pour l'instant, position numéro 1 demande des jeux de mots. Et ça, d'habitude, je m'occupe de faire les jeux de mots. Et parfait. Toi, tu les comprends ou pas. C'est ça. Genre, ça dépend. Ça dépend parce que des fois, c'est un peu comme un bon fromage. Des fois, il faut vraiment se le mettre sous la langue pour pouvoir goûter à ses subtilités de cet émental suisse ou quelque chose. Donc, c'est troué, des fois, du fromage suisse. Hein, t'sais. Et si t'amenais du fromage suisse dans un bateau, oui, est-ce que ça annule les trous? Ah, faut voir. Deux moins égale un plus. Hein, comme c'est on, ce qu'ils disent. Comme on dit. Mais t'es quand même bonne. Très recherchée, mais bonne. Merci. Bon, quand même recherchée. Je dirais que je suis parti à la chasse. Vraiment, je suis allé chercher un gag le plus loin possible dans le bois, qu'on appellera un gag sauvage, certains pourraient dire. Donc, ça, c'était pour le côté francophone. Pour le côté anglophone, je te dirais que ces jeux de mots-là ne sont pas la tasse de thé de tout le monde. OK, oui. Hein, mais sur deux personnes, mettons, tu fais un thé à deux. Un petit genre de tea party à deux. Oui. Une des deux personnes, d'après moi, devrait comprendre le gag. C'est tea for two. Oui, tu comprends? Oui. Sinon, ben, Colin, vous viendrez me pourchasser près de la chasse-galerie avec votre harpon. Je pense que c'est une arme. Il me semble un harpon. Donc, harpooniste. Hein? Et sinon, ben, avec votre hache, pardon, votre hache, si jamais vous êtes un meurtrier, vous pourriez venir en studio pour peut-être hacher la console en deux, parce que vous n'allez quand même pas me tuer, vous n'êtes pas de même. Hein? Non, même si tu as deux haches sur ton t-shirt. C'est vrai, le chandail de rouge papier a deux haches dessus. Oui. Pas les lettres haches, mais l'arme. Du crime. De l'arme du crime. Le colonel Moutard. Dans la bibliothèque avec un chandelier. Oui. Et tout ça ferait évidemment un gros dégât si on venait en studio nous défaire notre console et peut-être ma personne. Ça ferait un real fine mess. Est-ce que tu as tout compris de ça? Oui, j'ai tout compris, Mathieu. Raconte-nous ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en position numéro 1, Mathieu, on va écouter L'épave trouée de choses sauvages. Mmh, est-ce que c'est ça? Tout à fait ça. C'est tiré de l'album L'épave trouée. Ça fait bien ensemble. Oui, tout à fait. Puis en tout anglophone, numéro 1, c'est T42. Hein, j'avais volé le scoop, je pense, dans les deux premières minutes de ces trois heures de palmarès. Et puis, c'est The Harpenist and the Axe Murder. Sur l'album A Real Fine Mess. Oui. Voilà. Mais tu sais ce que t'aurais pu dire, Mathieu, en anglais? Quoi là, ouais? T'aurais pu dire que la personne a bu du thé en cachette. Ouais. Puis, il voulait pas le montrer, il voulait pas que personne le sache. Okay. Donc, il a mis plein de axes. Tu sais, le... puis, ça a tué tout le monde. C'est bon. On fait un concours de jeux de mots numéro 1 la prochaine fois. Parfait. Et à chaque fois, je pense dorénavant sur la formule. C'est ça, c'est la formule. Merci, JB. Je suis là pour ça. scène. La peur est une statue de sel. L'odeur de pluie et le public s'ennuie. Position. C'était The Harpoonist and the Axe Murderer avec T42 en position numéro 1 anglophone. Et encore numéro 1 cette semaine, Chose Sauvage de l'épave. L'épave trouée de Chose Sauvage. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Oui, deuxième semaine de suite au numéro 1. C'est fait seulement 4 semaines que c'est là, donc vraiment c'est monté super rapidement et c'est resté là. Oui. Donc on a un petit peu de temps, il nous reste une dizaine de minutes à l'émission d'aujourd'hui. On va y aller avec un bloc de pièces qu'on a sauté précédemment. Plus tard, on va entendre la position numéro 11 anglophone, c'est-à-dire Jack White avec Lazaretto. Mais avant ça, du côté francophone, tu nous as choisi toi-même une pièce de... Oui, donc c'est la numéro 13. Donc Philippe Braque, t'aurais pu nous prendre à deux. Ah, c'est juste pour toi qu'on joue ça? Oui. Parce qu'on est rendu ces deux hommes vraiment virils. Ouais, voilà. Je sens mes poils pousser tellement je te vois. T'sais, t'es quand même un petit peu poilu quand même. Je pense que ça détaille sur moi. T'sais. Et voilà. T'es un homme à poils. Hein? Un homme à poils. Non, c'est ta mère qui est née à poils, la ville en France. Exactement. Bon, je la salue. Ouais, salut! Salut, maman à poil! Salut, la poil, ouais. Ouais. Maman à poil. Est-ce que tu l'appelles des fois poil? Hey, poil! Un poil? Non, tu poil? Elle s'appelle Poiline pour ça. Oui! Tous les étés qui ont grisé nos têtes, toutes les oies qui ont creusé nos yeux, toutes les disputes qui ont croisé nos fêtes, toutes les prières qui ont trouvé nos voeux ne pourront plus jamais servir de souvenir. Et je ne peux désormais plus craindre le pire. Et je ne peux désormais plus craindre le pire. Si aujourd'hui je ne pleure que d'un seul œil, c'est que tu m'as enlevé mes aveux. Et si je parle d'une petite voix frêle, j'attends qu'elle s'éteigne au milieu d'un feu. Et d'un coup de vent, oh oui Dieu, tu m'as ouvert les yeux. Et t'aurais pas pu nous prendre à deux. Et t'aurais pas pu nous prendre à deux. C'était une très bonne pièce, calmante pièce. Oui, de Philippe Braque, donc t'aurais pu nous prendre à deux. Mm-hmm. T'aurais pas pu nous prendre à deux. T'aurais pas pu. Il aurait pu, mais il l'a pas. C'est négatif. Sais-tu que se termine cette édition des Palmarès C'est fou, la première de la saison, la première avec Jean-Philippe Charbonneau. Merci. Et Mathieu Plante, merci à toi oui. de m'accueillir comme ça, bras ouverts. Ah, c'est tellement plaisant. On se retrouve mercredi prochain entre 14h et 17h. Après nous, à 19h, les mercredis, c'est les Audacieuses, l'émission de découverte musicale. On repasse pour l'instant les vendredis soirs entre 17h et 20h. Après nous, les Bonnets Rouges ainsi que Sky Punka, les autres cases horaires, entre autres le dimanche à midi. Mais tout ça changera au cours de la saison. Allez voir cifou.ca pour l'horaire complet. Sinon, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Oui. Tout est là. Réentendre nos gags. Ah oui, tout le temps. De poils. Oui. Tantôt. Ouais. ça m'a marqué, c'est les poils, on dirait. Ouais. Voilà, on se quitte sur une pièce qu'on a sautée précédemment. C'est celle de Jack White en position numéro 11, Lazaretto. On l'avait dit tantôt, on va se quitter là-dessus dans quelques instants. Et bonne journée. Merci, bonne journée, bonne semaine. À mercredi prochain, en direct. Ouais, ouais. Bye. Bye-bye.